10. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors les petits loups, ça va aujourd'hui? Oui. Ouais, oui. Que vous avez fait de différent aujourd'hui par rapport à d'habitude? On a discuté avec Énoé. Vous avez discuté avec Énoé? Mais c'est interdit ça. Mais on a passé le micro pour dehors à travers la route. Ah, alors il y avait quoi entre vous et Énoé? Lou, il y avait quoi entre toi et Énoé? Les grillages. Les grillages? Et la route. Et la route. Donc, il y avait une distance suffisante pour qu'on puisse discuter. Oui. C'est bien, comme ça on peut discuter avec les copains. Ouais. Est-ce qu'on s'est contenté de discuter avec Énoé? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je sais pas. Vous lui avez pas posé des questions? Oui. Et ces questions, les réponses, on les a... enregistrées. Je sais pas. Bonjour Énoé! Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question? À quelle heure il se réveille? 10h. Il t'a dit à 10h. Et Noé, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Je fais mes devoirs, je joue dehors et je joue à ma tablette. Maintenant, c'est Fabrice. Et Noé, est-ce que tu trouves qu'on a beaucoup de devoirs? Non. T'en voudrais plus? C'est toi qui fais la loi à la maison? Bah non, c'est Fabrice. Maman. Et parmi tes frères, c'est toi qui fais la loi? Non. Non. Mais t'arrives à les mener par le bout du nez? Ouais. Qu'est-ce que tu manges en ce moment? Ce midi, j'ai mangé... Du jambon avec des chips. Ouais, ça t'aimes bien. Et t'as pas eu de dessert? Si, j'ai une compote. Qu'est-ce qui te manque le plus? Les copains. Les copains, tu leur dis bonjour à tes copains? Bah, je peux pas. Bah si, tu peux dire salut les copains, ils vont t'entendre. Salut les copains. À bientôt. À bientôt. Maître, il me manque. En ce moment, est-ce que tu dessines? Non. Alors c'est quoi ton jeu préféré pour t'occuper? Jouer dehors. À la maison alors? Ouais. Parce qu'il faut respecter les règles de sécurité. Ouais. Et Noé, est-ce que ça va? Oui. Ouais. Il a plein de chevaux. Non, il a plus de chevaux. Oui, c'est des chevaux parce qu'il a deux. Il a deux. C'est un jeune homme qu'on connaît aussi, ça? Mais oui. Qui est-ce qui parle? C'est Noé. C'est celui qui est à côté par là. C'est moi. C'est qui, moi? Ok, on lui dit merci à Énoé. Merci Énoé. Merci Énoé. Pour tes enseignements. Pour tes enseignements. T'as quelque chose à dire toi Énoé? C'est bon? Au revoir tout le monde. On a fait le podcast avec lui. Est-ce qu'on va le faire uniquement avec Énoé? Non, demain on va le faire avec Raphaël. Ouais. Et puis peut-être qu'on pourrait le faire avec tous les copains comme on avait dit hier. Tous ceux qui voudront appeler. Ouais. On a fait autre chose aujourd'hui qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Balader. On a pris les vélos pour moi et Lou. Et c'était trop bien. On est allé se promener. On a le droit d'aller se promener? Non, mais là, on n'est pas allé se promener longtemps. Ah, alors, est-ce qu'on n'a pas du tout le droit d'aller se promener? C'est pas vrai, ça. On a le droit, à condition... que ça dure pas trop longtemps, comme tu as dit. Quoi d'autre? Trop loin. Trop loin, voilà. Parce que des fois, si on sait plus le chemin, on peut se perdre. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? C'est surtout que en ce moment, on n'a pas le droit. Ouais. Avec papa et maman, on se retrouve normalement. Ouais. Et puis? On va pas se promener plus d'une heure. Alors, t'as fait un truc particulier ce matin. Le challenge du mercredi, alors... aujourd'hui, on est le 25, on a fait toutes les fleurs sur les feuilles et on a peint avec du café, la grenadine, de la poudre de graphite, un peu de peinture aquarelle, les pinceaux. Ouais, et des crayons et des feutres. Ouais. Et qui c'est qui avait lancé ce challenge du mercredi? Pauline et Renan. Ah bah alors tes copains, ils sont au courant aussi, ils ont dû le faire. Bah oui. Donc demain... en fait, Nous, on va attacher toute une ficelle autour de la maison. Ouais. Et puis, on va prendre des pinces à linge et on va aller les mettre sur la corde. D'accord, pour afficher nos dessins. Ouais. Sinon, on prend un clou et puis on fait un trou dans la feuille, c'est pas grave. Mais on va abîmer la feuille. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Au revoir ! Au revoir ! Au revoir tout le monde ! Au revoir tout le monde ! À demain ! À demain, maman ! Pour l'épisode 11, c'est que ça à dire. Je vous dis.